Bangui la passé en loutou. Mbembe ouais na bakine. Est-ce pas ça nos bien? Pour les lito, laisse manzambi fumo na Italie. Ah. Freddy Porsche, Ravis Robert, comète de l'an 2000, espérance. Asia boy na na pokate. Para yo mamá, yo molise.